Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil, possède, on le sait, une planète tellurique, Proxima B. Mais elle semble également être entourée par bien d'autres choses. C'est ce que révèlent de nouvelles observations effectuées avec ALMA. Guilhem Anglada et ses collaborateurs ont observé Proxima Centauri avec les réseaux AKA, Atacama Compact Array, et ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Les données millimétriques révèlent la présence de grands anneaux de poussière entourant l'étoile naine. Il y en a au moins deux, dont un avec une plus forte incertitude. La première ceinture de poussière se situe entre 1 et 4 unités astronomiques de l'étoile, et la seconde, beaucoup moins brillante, à environ 30 unités astronomiques. Pour rappel, la planète Proxima B évolue à 0,05 unités astronomiques de Proxima. Les chercheurs utilisent des relations empiriques pour associer la température de la poussière et la masse des grains de taille millimétrique pour évaluer la masse de l'anneau interne principal, celui qui est situé entre 1 et 4 unités astronomiques. Ils trouvent une température de 40 Kelvin et une masse de 10 puissance moins 6 masse terrestre, ce qui permet, en extrapolant ensuite à une distribution de taille de grains plus ample jusqu'à des petits corps de 50 km, de calculer une masse de 0,01 masse terrestre pour cet anneau principal. Proxima est une étoile beaucoup plus petite et beaucoup moins lumineuse que le Soleil. En prenant en compte ces différences importantes, Anglada et son équipe estiment que la ceinture de poussière et de petits corps qu'ils ont détectée, la plus brillante, est très similaire en distance à la ceinture de Kuiper qui entoure notre étoile. Et de plus, sa masse et sa température sont également remarquablement similaires. Mais il y a encore mieux que ces anneaux ou ceintures de poussière et d'astéroïdes. Guilhem Anglada et son équipe voient d'autres choses bizarres. Les données montrent la présence probable d'un petit disque de poussière très proche de Proxima à 0,4 unités astronomiques de l'étoile, détecté par 41 antennes de ALMA, mais malheureusement non résolu. Il détecte en effet une élongation marginale de la source centrale selon un certain axe, avec un excès d'émission associé qui aurait une température de 90 Kelvin. Par ailleurs, il pense détecter une source compacte située à 1,6 unités astronomiques de l'étoile. Mais les chercheurs mettent de grosses pincettes sur cette source car elle est très incertaine. Les hypothèses avancées sont une galaxie d'arrière-plan qui se trouverait là par hasard, ou bien une nouvelle planète, ou encore un petit nuage de poussière dense issu de la collision de planétésimaux. Et les chercheurs émettent enfin une dernière hypothèse, bon, très spéculative, qui serait un système d'anneaux entourant une planète de type Saturne qui n'aurait pas encore été détectée. Des observations plus sensibles vont sans aucun doute être effectuées dans un futur proche sur le système de Proxima Centauri. Il sera notamment très utile de mieux connaître l'inclinaison de ces ceintures de poussière et d'astéroïdes, ce qui pourrait aider à mieux estimer la masse de la planète Proxima B. L'article de Guilhem Anglada et ses collaborateurs va bientôt paraître dans The Astrophysical Journal Letters. Il a pour titre ALMA Discovery of Dust Belts Around Proxima Centauri, tout simplement. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!